club de la bonne musique. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Un public trié sur le volet. Des animateurs capables de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Allez, on y va, on se remue, ouais, c'est la fête. Le club, laissez parler vos envies. Faut laisser parler ses envies. C'est le club que vous retrouvez pour la deuxième partie en compagnie de Breto. Oui, oui. Ouais, Breto, standing ovation, hein, tu vois, tout le monde dans le studio est debout et t'applaudit. Attention, écoutez tout le monde. Évidemment, c'est pas énorme. Et vous avez également, pour vous accompagner, je veux pas m'annoncer moi-même, Breto, tu vas le faire. Bah oui, bah moi quoi. Oui, ça on l'a dit, ouais, tout à fait, mais il y a encore quelqu'un d'autre dans l'émission. Il y a Jack aussi. Jack, merci Breto. Oui. Merci. Pardon. Tu n'oublies pas les amis, c'est bien. Une émission spéciale consacrée, bah, la deuxième partie, vous le savez, c'est la saga radiophonique Veracruz. Et là, je me suis laissé entendre dire que vous aurez pas mal de petites perles pour cette deuxième partie. Mais on commence tout de suite et sans plus attendre, parce que Breto est un homme d'affaires, il est pressé, donc il va vous parler de jeux vidéo, parce que, oui, lui, c'est son dada, les jeux vidéo. Et il va nous parler d'un jeu qui s'appelle... Resident Evil. Alors... Je vais te laisser la parole. On attaque tout de suite Cash hein, sans musique, puisque Breto tenait vraiment à vous parler de ce jeu pour commencer cette première partie, cette deuxième partie, excusez-moi. Breto, c'est à toi, je te laisse. Un beau jour de 1997, Mikami-san inventa un nouveau genre de jeu vidéo. Un jeu vidéo ou un concept différent, l'Emotion Engine, va bouleverser le jeu vidéo. Et c'est là qu'il crée Resident Evil. Alors, on se retrouve plongé dans l'Oregon, près dans la région de Raccoon City, où dans un manoir, et dans les alentours, il y a eu des accidents, des gens dévorés, tout ça. Et récemment, ils ont envoyé une équipe de Stars, qui est l'abréviation de Special Tactic and Rescue Service. Ouais. Et cette équipe n'a plus donné de nouvelles. Donc ils ont envoyé l'équipe Bravo, composée des protagonistes qu'on a pendant tout le jeu, c'est-à-dire Jill Valentine, qui est la fille qu'on peut manier, Chris Redfield, ouais, qui sera aussi à l'origine de nombreux épisodes de la série. Il y aura aussi Barry Burton, le bourrin de service. Hein. Ah ouais, tu l'aimes bien celui-là. Oui, non, mais... Il aime autant son magnum que Chris, et aussi et c'est quelqu'un en fait de très sensible et qui est un peu déprimé, et on le voit vraiment. Et il y a aussi Albert Wesker, celui qu'on dit qui est cool, mais c'est un véritable psychopathe, et on voit bien qu'il est bien dans son trip. Ouais. Ouais, et il y a aussi Brad, le pilote de l'hélicoptère, ouais, qui est un peu peureux, qui a peur de la mort, donc tout le monde se moque de lui à cause de ça. C'est dans le jeu tout ça, hein. Ouais, c'est dans le jeu, ouais. C'est les protagonistes. Et il y aura aussi José, qui sera bouffé par les chiens dès le début. Hein. Dès chance. L'intro. Donc lui, on joue pas avec. Non, on joue pas avec. D'accord. Mais on joue qu'avec Jill et puis Chris. Hein. Alors quels sont les avantages de ce jeu? Les grands avantages, sur l'épisode... on est obligé de dire la console, de toute façon, sur l'épisode GameCube, qui a été refait par rapport à l'épisode PlayStation... Ah, ouais. Grand remasterisé. Et les graphismes sont époustouflants dès qu'on s'insère dans le jeu. Époustouflant dès la première cinématique, c'est époustouflant le réalisme. Époustouflant. Oui, on n'en revient pas. On est ébahi d'abord par ça. Pendant quasiment tout le jeu, on est ébahi par ça. Mais après, ils ont su innover par rapport à la version PS. Et en fait, la première impression qu'on rentre dans la première salle du manoir, c'est la pression de grandeur. On n'a jamais vu c'est vraiment très grand. Déjà sur la version PS, c'était grand mais pas assez quoi, c'était pas assez réaliste. Et là, on voit vraiment que c'est réaliste avec les effets de lumière, même le tonnerre, gestion du temps aléatoire et tout ça. C'est vraiment très très bien fait. Et il y a beaucoup de salles qui ont été rajoutées. Donc on a beaucoup de petites paraénimes qui s'ajoutent, des petites séquences et tout ça. Par contre, des fois on est un peu dépaysé, on se perd assez facilement. Par contre, pour ceux qui ont déjà fait Resident Evil 1 sur PS, ils trouveront le jeu un peu facile. Ah. Oui. Et il y a quelques bugs qui viennent entraver un peu la jouabilité du jeu. Oh non. Si. Bon, les mouvements sont un tout petit peu raides. C'est quoi les bugs? Ben, c'est les choses qui peuvent gêner lors d'un jeu. Non, mais c'est quoi les bugs qu'on retrouve? Ah, les bugs. Ben, par exemple, quand on pousse un meuble pour récupérer un objet et qu'on monte dessus, eh ben, on peut courir sur le meuble sans tomber. C'est ton ordinateur qui va... Ouais. Et à un moment, on court dans le vide. On a pratiquement les deux pieds dans le vide. Et aussi, quand on est avec une arme et qu'on se met face à une porte, par exemple avec le fusil à pompe, eh ben, on voit plus le canon de son fusil à pompe, vu qu'il est dans la porte. Ça, oui, effectivement, ça n'existe pas dans la réalité, on est d'accord. Et aussi, autre petit bug, quand on monte des caisses aussi, eh ben, on voit le fusil à pompe traverser les caisses. Ah ouais. Et aussi, il y a pas mal de trucs comme ça. Plein de bugs que t'as recensés. Et aussi, il y a quelques phases où on s'ennuie un petit peu, quoi. Quand on est obligé de faire trois fois le tour du manoir pour poser un objet, bon. Aïe. Ils auraient pu éviter ça, quoi. Oh là là. Mais autrement, ça n'en. Donc, faut pas l'acheter. Hein. Ah, si, faut l'acheter parce que c'est vraiment des menus défauts qui font que même le jeu a été enrichi. Déjà, d'une part, ils ont un petit peu renouvelé l'intérêt, la durée de vie. Et c'est vraiment un très très bon jeu. Et voilà. Surtout, on a peur à chaque fois qu'on ouvre une porte, on est stressé. On sait même pas ce qui va nous arriver. Voilà, je pense que c'était la conclusion. À chaque fois qu'on ouvre une porte dans Resident Evil, on a peur, on est stressé. Je pense que t'en as bien parlé, à mon avis, ceux qui hésitaient. Je pense qu'ils se le procureront, Bretto. Ouais. Mais c'est le jeu du genre, quoi. C'est... Donc, allez-y. Ouais, faut foncer. Hein. Je veux dire, allez-y. Il y a que, un petit mot, il y a que Silent Hill qui peut lui arriver presque à son niveau. Parce que Silent Hill est beaucoup plus flippant. Et encore. Ah non, c'est beaucoup plus flippant, d'accord. Silent Hill. Ok. Veuillez vous identifier. Ah ouais, c'est tiré du jeu. Hein. Non, tu l'as pas entendu ça. Vous écoutez le club, Bretto, donc merci pour cette précision. Je pense qu'il fallait le faire dès la deuxième partie, je pense qu'il fallait parler jeux vidéo. T'as eu le courage de le faire. Ouais, et la prochaine fois, il y aura peut-être... Bah, t'as eu le courage. Peut-être une prochaine fois, il y aura un autre. Peut-être, qui sait. Peut-être Resident Evil 0. En tout cas, bravo de ton courage de t'être exprimé sur un sujet pas forcément facile, qui est le jeu vidéo. Oui, parce que beaucoup de gens... Il y a beaucoup d'avis partagés sur ce sujet. Sujet controversé. En tout cas, n'en abusez pas. C'est comme les bonnes choses. C'est parce que Resident Evil est très controversé par le CSA. Ah, notamment au niveau de la violence. Ah bah c'est le problème. C'est pour ça que je dis n'abusez pas de ces choses un petit peu violentes. Puisque regardez Bretto, elle lui réussit pas forcément des fois. Donc, Oui. N'est-ce pas Bretto? Bah oui, des fois, ouais. Bon. Des fois. Des fois, on part un peu avec les rats. Donc. Voilà, donc... allez-y mollo sur vos consoles, puisque ce n'est que de la virtualité, si je puis me permettre. Ce n'est que virtuel, donc il faut bien faire la part entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Le club. Le club. Et la musique, ça c'est réel. Moby, We All Made of Stars sur l'antenne. Et on se retrouve derrière pour la suite de cette deuxième partie. Vraiment là où on attaque, on met les bouchées doubles, on va vers l'ouest, on attaque avec le Brésil et la série Veracruz. C'est le club que vous écoutez. Yeah. l'instant, c'était le titre Moby. Le titre, c'était We All Made of Stars. Vous écoutez le club avec Jack, moi-même et Bretto, quoi. Oui. Oui. Bretto qui va tirer sa révérence. Oui, ouais. Il est un petit peu italien. Il va dire Arrivederci. Arrivederci. Arrivé, bye bye, ciao. Arrivé, bye bye, ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ragazze. Ragazzo. Ragazzo, ciao. Ragazzo. Ciao, ragazzo. À la prochaine. À la prochaine. Et puis, bonne chance pour la suite, quoi. Ah bah, j'espère, la deuxième partie va être bonne. Hein. On va parler du Brésil, on va parler des séries radiophoniques, on va parler de plein de choses. Restez là, restez avec nous parce que Jack, lui, reste avec vous en tout cas, avec quelques bons titres. Hein. Il va y avoir dans la suite, attention, rien pour vous donner envie, dans la suite il y aura. Oula, Céron, Give Me Love. Faut savoir que Céron est précurseur du disco en France. Et on passera ce titre d'ici c'est quelques Céron. Instants. C'est Céron, ouais. Et puis il y aura également Tragédie. Balance, on va vous présenter un son. Oula. Ça va être bien, hein. Voilà, c'est niveau musical, ça arrive d'ici quelques instants. On va commencer tout de suite avec Céron, Bob Sinclair, Give Me Love. Et puis on se retrouve juste après pour le spécial Brésil et le spécial Veracruz, puisque vous savez que la deuxième partie est consacrée à notre bonne vieille série radiophonique. Elle est pas si vieille que ça, elle a même pas 2 mois. Veracruz, je vous en parle juste après Céron. Give me love à l'instant sur l'antenne du club. D'ici quelques instants, je vous l'ai dit, on va retrouver l'épisode de Veracruz. Veracruz, c'est la grande saga radiophonique. Plus de 29 épisodes, c'est énorme. Au niveau des sagas radiophoniques, c'est une des plus grandes, puisque avant Veracruz, il y avait la série Santa Capulco, qui était une autre grande saga radiophonique. Donc là, on vous passe pour cette deuxième partie deux épisodes. C'est un petit peu les coups de cœur Veracruz, l'épisode 8 et l'épisode 9. Donc des épisodes où il se passe beaucoup de choses, où les acteurs jouent merveilleusement bien. On peut dire qu'il y a une grande distribution. C'est d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, on repart en musique. Et je vous l'ai dit, Veracruz, ça se passe au Brésil, sur cette très belle ville de Veracruz. Et on a d'autres qui pourraient chanter le Brésil. C'est le groupe Kassav avec le titre Skié. Alors c'est compliqué, hein. Il y a certains titres compliqués à la radio. Skié Bois, c'est plutôt compliqué. Skié Bois sur l'antenne du club. Et on vous passe ça. Et juste après, on retrouve effectivement la génération Veracruz. Parce qu'on peut dire qu'il y a même un fan club. Je vous ferai part d'ailleurs de quelques chansons du fan club d'ici quelques instants. Ah, il y a un fan club de la série, vous verrez, on les a même enregistrés. C'est d'ici quelques minutes à peine, même pas 4 minutes. Allez, c'est parti pour Skié Bois, Kassav. À l'instant, c'était Siaboué, c'était évidemment le groupe Kassav. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de chansons de temps en temps à la radio. Non, ça change, ça donne un petit côté estival qu'on adore sur l'antenne. Le club, on va y aller avec la vitesse supérieure. Je vous ai parlé de Veracruz, la grande saga radiophonique. Je vous en parle plus en détail. C'est une saga radiophonique qui a réuni plus de 7 comédiens. Dans un casting de rêve, je vous donnerai pas les noms, ils sont inconnus, ouais, ils sont pas très très connus, forcément, c'est des acteurs amateurs, mais les meilleurs, on peut dire, de leur genre, dans leur genre. Je vais vous diffuser l'épisode 8 sans plus attendre. Vous le savez, dans l'émission, dans cette deuxième partie du club, vous retrouvez régulièrement des épisodes. La dernière fois, on vous avait diffusé l'épisode 7. Aujourd'hui, on va vous diffuser l'épisode 8. Et puis, comme on veut être très sympa, on va vous diffuser aussi l'épisode 9. Épisode 8 de Veracruz. Ça se passe toujours au Brésil. Vous savez qu'il y a on va dévoiler les choses. Il y a une sorte de guerre des nerfs entre deux frères. L'un s'appelle Paul Cardo et l'autre Marc Cardo, évidemment, puisqu'ils sont frères. Ils ont le même nom. Et ils se détestent, ils se rendent dedans. C'est ce combat fratricide qui est livré rien que pour vos oreilles. C'est Veracruz, épisode 8. Écoutez bien, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sur la plage de Veracruz, l'océan brille de mille reflets turquoises. Paul s'est enfui à la nage pour échapper à la police. Un hélicoptère est à sa poursuite, avec à son bord son frère Marc, venu épauler le FBI. Décidément, rien n'est simple, sous le soleil de... Veracruz. Vous le voyez ? Monsieur, vous le voyez ? Il est là ! On va procéder à son arrestation. Arrêtez de nager, Paul ! Vous ne allez nulle part ! Vous mourrez jamais ! Jamais ! Il résiste ! Envoyez des hommes grenouilles ! Il est inutile de résister ! Nos hommes grenouilles ont été entraînés dans des étangs marécageux ! Vous ne pourrez pas résister ! Ah ! Ça y est, ils l'ont eu ! Ils lui ont tiré une flèche de fusil sous-marin dans le postérieur ! Bravo les gars ! Vous remontez dans la frégate jusqu'au quartier général, au QG ! Allô ? C'est Victor Cardo. Bonjour Victor. Bonjour, je t'appelle à cause de mon fils. Il va avoir besoin d'un avocat. Je n'ai pas l'expérience suffisante. Je te conseille Léon, c'est un avocat qui est beaucoup plus mûr que moi. S'il n'a pas changé depuis les années 60, son cabinet est situé 6 Macadam Avenue à Veracruz. Merci. Entrez. Je viens voir Léon Brakowski, vous êtes son assistante ? Ah, Léon, le vieux schnock, il est dans son bureau. Monsieur Brakowski, on m'a dit que vous défendiez les causes désespérées. Une cause désespérée, j'en suis une, vous savez. On défend mieux ce qu'on connaît. Mon fils s'est fait arrêter pour trafic de bananes. Oh, ça aurait été des pommes ou des poires, moi je dis pas, mais des bananes, vous savez, la législation sur les bananes, c'est compliqué, c'est difficile, c'est glissant. Je vous en prie, je paierai très cher. Ça sera mon dernier combat, dans les fruits et légumes, hein. Ah, et puis je vais pas vous le cacher, mais mon assistante me coûte très cher, vous savez, très cher. Ça veut dire que tu acceptes de l'aider ? J'irai voir votre fils en prison et nous élaborerons une tactique. Let's go. c'était Tragédie avec le titre Sexy pour moi. D'ici quelques instants, vous retrouverez le fan club de Veracruz. Oui, car la saga radiophonique Veracruz, à qui l'on consacre cette deuxième partie, a un fan club avec des filles. Alors, il est uniquement composé de filles. Hein. On peut dire que le phénomène fan club, c'est vraiment les femmes hein, qui l'entretiennent. Et elles ont fait une petite chanson, spécialement pour la série Veracruz. On retrouvera cette chanson juste après Salif Keita et le titre Madane. Une chanson magnifique. Moi, je trouve qu'elles ont une voix, ces filles. Elles pourraient faire de la radio. Elles pourraient faire de la chanson, elles pourraient faire de la radio, elles pourraient faire n'importe quoi qui demande un bel organe. Eh oui. Salif Keita, Madane, juste après la chanson du fan club de Veracruz. Monumental. Thank you. Salif Keita, le titre Madane sur l'antenne du club. Oh, ça bouge bien. On aime bien ce genre de titre à la radio. Et c'est quand même pas mal. On attaque toujours avec la spéciale Veracruz, la grande saga radiophonique que votre chaîne vous permet d'écouter. Hein, et uniquement sur votre chaîne, je dis bien la nôtre. Veracruz, une série unique. Et on va vous passer d'ici quelques instants le 9e épisode. Mais juste avant, je vous avais parlé d'un fan club. Il existe un fan club de cette série radiophonique. Et elles sont venues dans le studio nous chanter une chanson. Dernièrement, ouais, pour encourager un petit peu les personnages, les acteurs, hein, ils jouent dans des conditions parfois difficiles. Ils nous ont donné très rapidement une musique qui est devenue culte pour nous, puisqu'on a trouvé sympa que des personnes extérieures un petit peu à toute cette grande série nous fournissent comme ça une musique. Elles sont venues chanter sur ces mêmes micros cette chanson de Veracruz, une chanson donc de fans. Écoutez bien. Veracruz, c'est le paradis. Veracruz, tout le monde dit oui. Veracruz, plaisir. Veracruz, sourire. C'est une aventure. Aventure. On peut même y aller en voiture. En voiture. On y rencontre plein de gens. Des fois, ce sont des ordures. Des ordures. Il y a Victor, qui n'a pas toujours tort. Toujours tort. Marc, qui a plus d'une corde à son arc. Veracruz, c'est le paradis. Veracruz, tout le monde dit oui. Veracruz, plaisir. Veracruz, sourire. Il y a de l'amour, de la jalousie. De la jalousie. Du mystère, mais toujours des soucis. Des soucis. Veracruz, un jour, une vie. Une vie. Veracruz, c'est comme une maladie. Notre maladie. Notre maladie. Notre maladie. Ouais. Voilà, c'était les filles du fan club de Veracruz, hein, qui étaient venues chanter sur ces mêmes micros. Parce que oui, elles aiment cette série radiophonique, elles la défendent. Et il en faut. D'ailleurs, si vous voulez faire partie du fan club, on vous donnera une adresse internet sur laquelle vous pourrez vous connecter pour devenir membre de la... tout simplement de cette grande famille de Veracruz et pour soutenir également la production de cette série qui nous coûte énormément cher à la radio. On va enchaîner avec de la musique et puis comme promis je vous passerai l'épisode 9, on trouvera un autre succès parce que Veracruz n'est pas seulement une saga radiophonique, c'est également des musiques que nous avons créées pour un album qui s'appelle Veracruz que l'on vendra un petit peu sur cette même antenne pour essayer de soutenir la production de cette série radiophonique qui nous coûte énormément d'argent. J'ai presque honte de parler d'argent quand on parle d'art, mais pourtant c'est le cas. Donc un jour, oui, on mettra en vente cet album pour que vous souteniez la cause de Veracruz, que vous souteniez Paul Cardo quelque part au Brésil qui attend les répliques et qui attend de l'argent, tout simplement. On vous diffusera donc un extrait de l'album Veracruz et également une pub puisque on vend des produits dérivés. Enfin bon, tout ça est à venir juste après la musique. Ne parlons pas tout de suite marketing, parlons un petit peu musique avec Crystal Waters, Making Happy. We'll be right back. À l'instant, c'était Crystal Waters dans le club. Le club. Eh oui, c'était le club. C'est le club, toujours. La deuxième partie consacrée à la série Veracruz, grande série radiophonique. Alors oui, on vous l'a dit, il y a un fan club, vous l'avez même entendu. Ils nous ont fait une très belle chanson. Mais il y a d'autres chansons dans la série. Il y a tout un album en préparation. Je vous l'ai dit, c'est un petit peu du commercial. Hein, tout ça, c'est pour avoir de l'argent, hein, tout simplement, pour faire appel à votre... tout simplement sens artistique, et faudra acheter le CD d'ici quelques semaines. On le mettra en vente, évidemment, hein. Un CD de Veracruz uniquement avec des chansons sur Veracruz. Est-ce que ça existe, ça, madame? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, on l'a fait. Avec que des musiques consacrées à la ville de Veracruz, parce que Veracruz existe vraiment. C'est au Brésil. Veracruz, c'est une ville magnifique, une ville de sable noir, parce que c'est évidemment une ville de pétrole, tout simplement. Et on vous a fait un album, on vous a concocté ça, un album entièrement rempli de chansons uniquement consacrées à cette ville. On va vous diffuser un single tiré de cet album, un single exclusif. Alors là, je dis exclusif, il n'est pas passé sur 10 000 radios, non, à la limite sur une, voire deux à peine. Il s'agit de Vera, c'est le titre de la chanson. Je vous diffuse ça tout de suite. Si vous avez des cassettes, c'est le moment d'enregistrer. Parce que ce genre de choses ne se repassera pas de sitôt sur une antenne radio. Le CD single exclusif de l'album de Veracruz, c'est tout de suite, c'est rien que pour vous. Moi, quand je veux trouver des filles, y'a Veracruz. Moi, quand je veux refaire mon bronzage, y'a Veracruz. Moi, quand je veux boire un petit coup, y'a Veracruz. Vera, Vera, Vera, Tom Cruise. Vera, Vera, Vera, Penelope Cruz. Mais surtout, Vera, Vera, Vera, Vera Cruz. Moi, quand je veux de la bonne musique, y'a Veracruz. Moi, quand je veux acheter un string, y'a Veracruz. Moi, quand je veux faire du nudisme, y'a Veracruz. Vera, Vera, Vera, Tom Cruise. Vera, Vera, Vera, Penelope Cruz. Mais surtout, Vera, Vera, Vera, Veracruz. Moi, quand je veux me baigner, y'a Veracruz. Moi, quand je veux un beignet, y'a Veracruz. Moi, quand j'ai envie de chanter, y'a Veracruz. Vera, Vera, Vera, Tom Cruise. Vera, Vera, Vera, Penelope Cruz. Mais surtout, Vera, Vera, Vera, Veracruz. C'est pas fini, hein. Moi, quand je veux me faire un ciné, y'a Veracruz. Moi, quand je veux voir des stars, y'a Veracruz. Moi, quand je veux une bonne série, y'a Veracruz. Vera, Vera, Vera, Tom Cruise. Vera, Vera, Vera, Penelope Cruz. Mais surtout, Vera, Vera, Vera, Veracruz. Tom Cruise. Vera, Vera, Vera, Penelope Cruz. Mais surtout, Vera, Vera, Vera, Veracruz. Wouh. Voilà. Wouh. Voilà, voilà. C'était le titre single de l'album de Veracruz, hein, qui cartonne à travers non pas l'Europe ni la France. Non, il ne cartonne pas en fait. L'album n'est pas encore sorti et quand il sortira, ce sera uniquement, hein, l'argent sera au bénéfice de la production de cette série Veracruz, dont on va vous diffuser le 9e épisode. Alors, si vous avez écouté le 8e, c'était en début de cette deuxième partie. Il y a environ une demi-heure, vous avez pu apprécier le 8e épisode, et ben vous allez avoir la suite avec le 9e épisode. C'est quand même très rare qu'on passe deux épisodes à la suite, c'est dire qu'on a décidé de consacrer cette deuxième partie de l'émission du club uniquement à cette grande saga radiophonique qui va vous sourire, hein, puisque elle arrive, le 9e épisode arrive d'ici quelques instants. Voilà, et il y aura d'autres singles tirés de cet album, donc faudra rester, hein, écouter le club patiemment pour avoir la suite. Et puis si vous l'avez enregistré sur une cassette, je peux vous dire un truc, un secret de vous à moi. Sur cette chanson, vous payez pas de droit d'auteur. Hein. Ah non, c'est Jack qui a composé avec sa bonne vieille guitare la musique. Les paroles, les paroles, on les a écrites sur un coin de table, un truc de fou, de malade. Ça a donné Vera Veracruz. Je peux vous dire que ce titre-là, vous pouvez le diffuser comme vous voulez. On vous donne les droits à condition que vous achetiez l'album, évidemment, qui n'est pas encore sorti, donc n'essayez pas de vous le procurer. Je vous ferai signe quand il sortira. Pour la musique un petit peu plus musicale, SWV et Michael Jackson, quand il s'allie, ça donne Right Here. C'est vrai qu'on vous le diffuse un petit peu souvent, un petit peu trop souvent peut-être, mais bon, c'est bon, que voulez-vous, c'est génial. No fear, no tears, no fear. C'est magnifique. Je suis obligé de le couper. Non, je coupe. Right here à l'instant. C'est magnifique. Magnifique. Right here, Michael Jackson, SWV. Ensemble, ça donne Right here. C'est magnifique. Bon, on va faire une petite transition, juste le temps de vous caler l'épisode 9 de la grande saga radiophonique Veracruz. Et oui, quand j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs. La deuxième heure, deuxième partie sera consacrée à Veracruz. Chose première, chose due, on a l'épisode 9. Juste après, un petit indicatif sonore, l'histoire de vous faire patienter. Okay. Faut avoir la patience. L'épisode 9. L'épisode 9 qui fait suite donc à l'épisode, attention, 8, ça vous avez suivi, c'est plutôt pas mal. L'épisode 8 donc, c'était l'arrestation de Paul Cardo, Paul Cardo, ex-gouverneur de Santa Acapulco, qui a mal tourné dans une sombre affaire. On le verra plus tard dans la suite des épisodes. En tout cas, c'est son arrestation, un petit peu comme des grands chefs d'État qui se font arrêter. Il s'est fait arrêter dignement. On va voir qu'est-ce qui se passe en prison, puisque la suite on la connaît, c'est la prison, et c'est l'épisode 9. Sur la plage de Veracruz, la température a subitement chuté. Paul s'est fait arrêter par la police. Son père tente de lui trouver un bon avocat. Mais ce n'est pas chose facile, sous le soleil de... Veracruz. Prison de Veracruz. Salut, je suis Billy. On partage la même cellule. C'est cool. Tu ne dis rien ? Désolé, Billy, mais... j'ai pas envie de parler. C'est la première fois que je suis en tôle. Tu devrais voir ta tête. Dors un bon coup. Merci du conseil. Il n'y a que ça à faire ici. À quelques kilomètres de la prison. Victoria, c'est moi. Tu me dégoûtes, Marc. Vendre ton frère, c'était mesquin. Oublions ça. Ouvre cette boîte, Victoria, veux-tu ? C'est quoi ? Vas-y, ouvre. Des Babybel ? C'est plus qu'un simple Babybel. Regarde à l'intérieur, il y a une bague. C'est une demande en mariage. Mon Dieu, mais pourquoi ? Parce que je veux qu'on se marie. Je veux dire, pourquoi si tôt ? C'est beaucoup trop précipité. Ça fait 7 ans qu'on est fiancés. Et depuis la maternelle, j'ai le béguin pour toi, Victoria. Laisse-moi du temps pour oublier ce que tu as fait à ton frère. Et après seulement, je pourrai envisager le mariage. Du temps ? Je t'en laisserai. Mais ne tarde pas trop. Mon cœur est un sablier qui ne s'écoulera pas éternellement, Victoria. Prison de Veracruz. Paul Cardo, vous avez de la visite. Ah papa, tu es venu. Évidemment, tu vas bien ? Ça va, ça va. Tu manques de rien ici ? Tout me manque, la liberté, les femmes. Il faut que tu trouves des compensations pour tenir. Ouais, je sais. À la cantine, j'ai volé une langue de bœuf. Le soir, je roule des patins, j'ai l'impression d'embrasser mon ex-copine. Ça me rappelle une femme. Tu as des amis ici ? Il y a un mec qui s'appelle Billy dans ma cellule, il est vraiment sympa. Super, j'ai un avocat pour toi, Maître Bokovic, un spécialiste du barreau. Il a du métier, il exerce depuis plus de 50 ans. 50 ans ? C'est quand même vieux. Non, c'est un avocat bien mûr. Je le vois quand ? Il est malade en ce moment, il peut plus se déplacer, mais il sera demain ton procès. Ça commence plutôt mal. Tu sais qu'on m'accuse d'avoir vendu des bananes de contrebande. Je sais, mais tu vas t'en sortir. Fabio, Franck, Jack, enfin que des grands acteurs qui ont joué dans cette série radiophonique Veracruz. C'était l'épisode 9. Avec un peu de patience, dans cette même émission, dans cette même deuxième partie, vous retrouverez l'épisode 10 et l'épisode 11, évidemment, puisqu'on a décidé d'être généreux. Enfin, peut-être pas toutes les semaines quand même, mais bon... Bon, là, c'était exceptionnel. C'était une deuxième partie spéciale consacrée à Veracruz. On vous a diffusé 2 épisodes à la suite. Et je vous dis qu'une seule chose. Veracruz, vous ne l'entendrez nulle part qu'ici. Ah ouais, nulle part. Moi, quand je veux trouver des filles, il y a Veracruz. Exactement. Moi, quand je veux refaire mon bronzage, il y a Veracruz. Exactement. Moi, quand je veux boire, il oui. y a Veracruz. Vera, Vera, Vera, Tom Cruise. Vera, Vera, Vera, Penelope Cruz. mais surtout Vera, Vera, Vera, Veracruz. Exactement, voilà, c'était la fin de cette deuxième partie hein, consacrée à Veracruz. Je vous remercie de l'avoir suivi. En début d'émission, il y avait Bretto pour nous parler d'un jeu vidéo hein, qui s'appelle Resident Evil. Et puis après, on est parti hein, vraiment dans Veracruz, dans le Brésil, dans la fête, dans la folie. Et puis on finit dans la folie, ciao, bye bye. C'était la deuxième partie, on se retrouve pour la troisième partie.